Bonjour. Dans le cadre de notre émission La Culture pour tous, nous allons aujourd'hui commenter deux tableaux pour nos auditeurs. Avec ce tableau, le peintre a fait scandale en 1905. C'est le portrait de sa femme, assise, le buste de profil, la tête de trois quarts, le bras ganté sur le dossier de la chaise, coiffé d'un immense chapeau à la mode du jour. Une fantastique explosion de couleurs avec ce chapeau à plumes multicolores posé sur une chevelure brique, couronnant un visage marbré de vert, de rose et de jaune. Ce tableau a été exposé au célèbre Salon d'automne en 1905. À cette occasion, le journal Le Matin a écrit « On a jeté un pot de couleurs à la face du public ». Le peintre a en effet choqué en utilisant du rouge, du vert et du jaune pour peindre le visage. Du coup, la femme du peintre n'a pas osé visiter l'exposition. Le peintre s'est défendu en disant que le choix de ses couleurs est basé sur le sentiment, sur l'expérience de sa sensibilité. Le destin du fauvisme s'achèvera 2 ans après le scandale du Salon d'automne de 1905. Chacun des fauves se dirigera vers d'autres horizons plus personnels. Ce spectaculaire tableau de 1925 est un tableau cubiste qui représente un marbre vert et des fruits posés sur un linge blanc. Les couleurs sont limitées à une palette de brun, de vert, de jaune et de gris, relevées par le bleuâtre des raisins. Les objets sont traités en gros plan et occupent la toile en son centre. Ils donnent le sentiment d'être proche du spectateur. La structure et la construction des objets sont plus importantes que la couleur. On peut voir que ce tableau maîtrise parfaitement l'espace.